Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Comment est tout le monde? Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 28 octobre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant du Challenge Banque nationale qui s'est terminé hier. Et c'est la néerlandaise Indy de Froome qui a remporté la victoire en 3-7. Donc, l'Américaine qui avait remporté le premier set 6-3 avant que la Néerlandaise gagne les deux suivants par la marque de 6-4 et 7-5. Donc un total de $9,142 a été remis en bourse. Ça a été un succès sur toute la ligne du Challenge Banque Nationale. Alors, je vais parler avec Caroline Delisle aujourd'hui pour faire le bilan du Challenge Banque Nationale. Les Saguenay de Chicoutimi ont joué contre l'Armada de Bainville-Boisbriand. C'était une victoire hier de l'Armada 2-1 contre les Saguenay. À noter dans le match que William Dufault a été le seul à marquer pour les Saguenay. Dans l'autre match de fin de semaine, c'était une belle victoire cette fois-ci des Sags par la marque de 7-1 contre les Voltigeurs de Drummondville. Dans le match pour les Sags, à noter 1 but, 3 passes pour Raphaël Harvey-Pinard. Samuel Aude a également bien fait avec 2 buts, 1 passe. Il y a Félix-Antoine Marcotti qui a marqué un but et également Vladislav Kotkov a marqué un autre filet. Maintenant, dans la Ligue du Lac au Fleuve, Construction de l'Avenir l'a emporté ici même au complexe sportif secteur de Delbault, l'a emporté 5-4 contre la formation des roulottes MLR de Saguenay. Pour les Constructions de l'Avenir, à noter une belle production pour Simon Tremblay et Michael Drolet. Ils ont marqué chacun un but, une passe. Il y a également Steven Girard qui a également marqué un but, une passe. Et les autres filets ont été inscrits par Guillaume Lagarde et Pierre-Olivier Nau. Maintenant, les Éperviers de Normandin étaient en action au cours du week-end et les Éperviers qui ont battu les Sabres de Roberval par la marque de 7-5. Ça s'est déroulé à Roberval samedi. Dans le match, on a noté que Guillaume Tremblay a marqué 4 buts, 1 passe. Il y a également Jérémy Ossé qui a fait 1 but, 1 passe. Christophe Bélanger, 1 but, 3 passes dans la rencontre. Pour les Sabres, Michael Boivin a dirigé l'attaque de l'équipe avec une production de 3 buts, 1 passe. On a noté également que Thomas Tremblay, 2 buts, 2 passes et 3 passes pour Vincent Gagnon. Et dans l'autre match, faites à noter une défaite également des Éperviers de Normandin. Les Éperviers qui ont perdu cette fois par la marque de 4-0 hier contre les Marquis de Jonquière. Du côté du Midget 2B, le Marcos Pop de Saint-Félicien a perdu 5-1 contre les Basques de Sept-Îles. Ça se déroulait samedi. À noter que pour le Marcos Pop, le seul but a été marqué par Rémi Martel. Et dans le deuxième match de ce programme double, le Marcos Pop, cette fois, a perdu 4-3 contre les Basques de Sept-Îles. À noter dans le match que Richard Bilodeau a inscrit 2 filets. Du côté maintenant des Castors de Dolbeau, ils l'ont emporté hier par la marque de 3-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. À noter que pour les Castors, dans le match, une production de 1 but pour Nicolas Genet. Thomas Mailloux a également marqué 1 but et une passe pour Zachary Fortin et Gabriel Lamontagne. Le sport local et régional, à donradiosport.com.